Les découvertes romaines trouvées à Sopassos et dans d'autres lieux voisins semblent indiquer que déjà à l'époque des châteaux, il existait une sorte de pont pour communiquer à marée basse les populations d'un et d'autre côté. Il existe une légende selon laquelle nos ancêtres, autrefois, construisaient des passerelles en pierre, recouvertes en bois, pour pouvoir traverser à pied, à marée basse, d'un côté à l'autre de l'embouchure de l'Eumée. Les passages à marée haute ne pouvaient se faire que sur un petit navire. Mais que ce soit à cause de la détérioration des pierres et du bois, à cause des inondations fréquentes ou parce qu'ils traversaient souvent avec de lourdes charges, les anciens habitants des rives de l'Eumée glissaient parfois en tombant à la mer. Comme beaucoup ne savaient pas nager, les diables les guettaient pour leur offrir son aide, toujours intéressés. Certains ont perdu la vie pour avoir refusé l'offre satanique, mais nombreux sont ceux qui lui ont donné leur âme pour se sauver.